sa douce voix, douce voix, c'est de faire vibrer. Toujours plus belle, toujours plus belle, elle sait me rendre fou. Sa douce voix, c'est me faire vibrer.